Faut que je vous avoue quelque chose. Bah c'est pas moi qui compose, non, c'est la mouche que j'ai dans la tête. Ça n'a rien d'une psychose, mais c'est juste un peu louche. Elle bourdonne dans ma tête. Oula, la sale bête. Elle fait des allers-retours, de l'occipital au front, me chuchote à l'oreille des chansons, parfois même des jurons. Quand elle chie des rimes, ben moi je remplis la corbeille. J'ai des envies de crime, elle n'a jamais sommeil. Quand il pond des gimmicks, l'insecte créatif, je lui donne la réplique. Je fais un tri sélectif. Elle me chatouille le bulbe de ses pattes velues, 22 heures sur 24, et moi parfois je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Elle me raconte des choses, parfois tellement débiles, que fébrile je m'oppose à être son ustensile. C'est pas moi qui crie, non non, c'est la mouche schizophrène, mais la mouche est en moi. Et c'est bien ça le dilemme, c'est de la faute à la mouche qui bourdonne dans ma tête. C'est elle qui en tient une couche, moi je ne suis pas si bête. Ah oui, c'est de la faute à la mouche, sale bête, qui pourrait.